Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 52. Les anges et les lieux. Si les anges peuvent être en plusieurs lieux. 1. Les anges occupent-ils un lieu? L'ange est dans un lieu, mais non pas à la manière des corps qui remplissent un espace par leur dimension. Il y est par l'application de sa puissance, c'est-à-dire par la vertu qu'il exerce. Les anges, en un mot, ne sont dans un lieu corporel que par le contact de leur vertu. Il ne faut dire ni qu'ils sont mesurés par les lieux, ni qu'ils occupent une place dans un continu. L'ange contient plutôt un lieu qu'il n'en est contenu. Il est dans un lieu à peu près comme l'âme est dans le corps. Note. La substance immatérielle qui agit par sa vertu sur une chose corporelle contient celle-ci sans être contenue par elle. Fin de la note. 2. Un ange peut-il être dans plusieurs lieux à la fois? La vertu de l'ange est infinie, elle ne s'étend pas à tout, et dès lors elle est limitée à quelque chose de déterminé. Or, puisque l'ange n'est dans un lieu que par l'application de sa vertu, il n'est ni partout, ni dans plusieurs lieux, mais dans un seul. Il n'est pas nécessaire, toutefois, de lui déterminer un lieu indivisible, comme s'il était lui-même un point qui a toujours une situation. Le lieu qu'il occupe est divisible ou indivisible, grand ou petit, suivant l'application volontaire qu'il fait de sa vertu à un corps ou à un lieu plus ou moins étendu, l'objet sur lequel il déploie sa vertu lui correspond comme un seul lieu. 3. Plusieurs anges peuvent-ils être à la fois dans le même lieu? De même qu'il n'y a pas deux âmes dans le même corps, il n'y a pas deux anges dans le même lieu. En examinant les divers genres de causes, on trouve qu'il y en a toujours une qui sert de cause prochaine à l'effet produit. L'ange qui est dans un lieu par l'application de sa vertu, le remplit et l'embrasse immédiatement, aussi un seul y suffit-il. S'il y en a plusieurs, c'est qu'ils n'ont pas avec ce lieu les mêmes rapports de causalité. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.